puis direction la Beauce. La race blanche est sauvée, mille merci aux Rémus. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore chez moi. Maître de mes frontières, je décide qui je reçois. Ceux qui me pompaient l'air n'étaient pas ceux et toi. Fini les dromadaires, je préfère les Gaulois. Je me balade dans le marais sans surveiller mes fesses. Les invertis cachés ou bien partis en graisse. Plus de LGPD, plus de sida, plus d'herpès. On a vidé le quartier, le Christ, ça les stresse. Jésus, Jésus, Jésus, Adolphe, Adolphe, Adolphe. Les rues de mon quartier ne sentent plus le couscous. Les tradis sont passées et la vie est plus douce. Billets d'avion, allez, puis direction la Beauce. La race blanche est sauvée.